La Cité de Dieu de Saint-Augustin, tome 1er, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile, Edmond, Cesset, livre 3e, Les Romains et leurs faux dieux. Chapitre 10. S'il était désirable que l'Empire romain s'accrût par de grandes et terribles guerres, alors qu'il suffisait, pour lui donner le repos et la sécurité, de la même protection qu'il avait fait fleurir sous Numa. Répondra-t-on que l'Empire romain, sans cette suite continuelle de guerres, n'aurait pu étendre si loin sa puissance et sa gloire? Mais quoi, un empire ne saurait-il être grand sans être agité? Ne voyons-nous pas dans le corps humain qu'il vaut mieux n'avoir qu'une stature médiocre avec la santé que d'atteindre à la taille d'un géant avec des souffrances continuelles qui ne laissent plus un instant de repos et sont d'autant plus fortes, qu'on a des membres plus grands? Quel mal y aurait-il, ou plutôt quel bien n'y aurait-il pas à ce qu'un état demeura toujours autant heureux dont parle Salluste, quand il dit « Au commencement, les rois, c'est le premier nom de l'autorité sur la terre, avec des inclinations différentes, les uns s'adonnaient aux exercices de l'esprit, les autres à ceux du corps. Alors la vie des hommes s'écoulait sans ambition, chacun était content du sien. » Salluste, Catilina, chapitre 2. Fallait-il donc, pour porter l'Empire romain à ce haut degré de puissance, qu'il arrivât ce que déplore Virgile? Peu à peu le siècle se corrompt et se décolore. Bientôt surviennent la fureur de la guerre et l'amour de l'or. Virgile, Énéide, 8, 326. On dit, pour excuser les Romains d'avoir tant fait la guerre, qu'ils étaient obligés de résister aux attaques de leurs ennemis et qu'ils combattaient, non pour acquérir de la gloire, mais pour défendre leur vie et leur liberté. Eh bien, soit, car, comme dit Salluste, lorsque l'État, par le développement des lois, des mœurs et du territoire, eut atteint un certain degré de puissance, la prospérité, selon l'ordinaire loi des choses humaines, fit naître l'envie. Les rois et les peuples voisins de Rome lui déclarent la guerre. Ses alliés lui donnent peu de secours, la plupart saisis de crainte et ne cherchant qu'à écarter de soi le danger. Mais les Romains, attentifs au dehors comme au dedans, se hâtent, s'apprêtent, s'encouragent, vont au-devant de l'ennemi. Liberté, patrie, famille, il défend tous les armes à la main. Puis, quand le péril a été écarté par leur courage, ils portent secours à leurs alliés, et se font plus d'amis à rendre des services qu'à en recevoir. Salluste, Conjuration de Catilina, chapitre 6. Voilà sans doute une noble manière de s'agrandir, mais je serais bien aise de savoir si, sous le règne de Numa, où l'on jouit d'une si longue paix, les voisins de Rome venaient l'attaquer, ou s'ils demeuraient en repos, de manière à ne point troubler cet état pacifique, car si Rome alors était provoquée, et si elle trouvait moyen, sans repousser les armes par les armes, sans déployer son impétuosité guerrière contre les ennemis, de les faire reculer, rien ne l'empêchait d'employer toujours le même moyen, et de régner en paix, les portes de Janus toujours closes. Que si cela n'a pas été en son pouvoir, il s'ensuit qu'elle n'est pas restée en paix tant que ses dieux l'ont voulu, mais tant qu'il a plu à ses voisins de la laisser en repos. À moins que de tels dieux ne poussent l'impudence jusqu'à se faire un mérite de ce qui ne dépend que de la volonté des hommes. Il est vrai qu'il a été permis aux démons d'exciter ou de retenir les esprits pervers et de les faire agir par leur propre perversité, mais ce n'est point d'une telle influence qu'il est question présentement. D'ailleurs, si les démons avaient toujours ce pouvoir, s'ils n'étaient pas souvent arrêtés par une force supérieure et plus secrète, ils seraient toujours les arbitres de la paix et de la guerre, qui ont toujours leur cause dans les passions des hommes. Et cependant, il n'en est rien, comme on peut le prouver, non seulement par la fable, qui ment souvent et où l'on rencontre à peine quelques traces de vérité, mais aussi par l'histoire de l'Empire romain. Chapitre 11. De la statue d'Apollon de Cumes, dont on prétend que les larmes présagèrent la défaite des Grecs que le dieu ne pouvait secourir. Il n'y a d'autre raison que cette impuissance des dieux pour expliquer les larmes que versa pendant 4 jours Apollon de Cumes, au temps de la guerre contre les Achéens et le roi Aristonicus. Les aruspices effrayés furent d'avis qu'on jeta la statue dans la mer, mais les vieillards de Cumes s'y opposèrent, disant que le même prodige avait éclaté pendant les guerres contre Antiochus et contre Persée, et que, la fortune ayant été favorable aux Romains, il avait été décrété par Senatus Consulte que des présents seraient envoyés à Apollon. Alors on fit venir d'autres aruspices plus habiles, qui déclarèrent que les larmes d'Apollon étaient de bon augure pour les Romains, parce que, Cumes étant une colonie grecque, ses larmes présageaient malheur au pays d'où elle tirait son origine. Peu de temps après, on annonça que le roi Aristonicus avait été vaincu et pris, catastrophe évidemment contraire à la volonté d'Apollon, puisqu'il la déplorait d'avance et en marquait son déplaisir par les larmes de sa statue. On voit par là que les récits des poètes, tout fabuleux qu'ils sont, nous donnent des mœurs du démon une image qui ressemble assez à la vérité. Ainsi, dans Virgile, Diane plein Camille, Énéide, livre 11, 836 à 849, et Hercule pleure la mort prochaine de Pallas, Énéide livre 10, 464. C'est peut-être aussi pour cette raison que Numa, qui jouissait d'une paix profonde, mais sans savoir de qui il la tenait, sans se mettre en peine de le savoir, s'étant demandé dans son loisir à quel dieu il confierait le salut de Rome, Numa, dis-je, dans l'ignorance où il était du dieu véritable et tout-puissant qui tient le gouvernement du monde, et se souvenant d'ailleurs que les dieux des Troyens apportés par Énée n'avaient pas longtemps conservé le royaume de Troie, ni celui de Lavinium qu'Énée lui-même avait fondé, Numa crut devoir ajouter d'autres dieux à ceux qui avaient déjà passé à Rome avec Romulus, comme on donne des gardes aux fugitifs et des aides aux impuissants. Note. La guerre dont il s'agit ici est évidemment celle qui fut suscitée par la succession d'Attale, roi de Pergame, succession que son neveu Aristonicus disputait aux Romains. Voyez Tite Live, livre 59. C'est par inadvertance que saint Augustin nomme les Achéens, qui étaient alors entièrement vaincus et soumis. Chapitre 12. Quelle multitude de dieux les Romains ont ajouté à ceux de Numa, sans que cette abondance leur ait servi de rien. Et pourtant Rome ne daigna pas se contenter de divinités déjà si nombreuses instituées par Numa. Jupiter n'avait pas encore son temple principal, et ce fut le roi Tarquin qui bâtit le Capitole. Note. C'est Tarquin l'Ancien qui commença le temple de Jupiter Capitolin, et Tarquin le Superbe qui le continua. Le monument ne fut achevé que 3 ans après l'institution du consulat. Fin de la note. Esculape passa d'Épidaure à Rome, afin sans doute d'exercer sur un plus brillant théâtre ses talents d'habile médecin. Quant à la mère des dieux, elle vint je ne sais d'où, de Pessinite. Voyez Tite Live, livre 29, chapitres 11 et 14. Aussi bien il n'était pas convenable qu'elle continuât d'habiter un lieu obscur, tandis que son fils dominait sur la colline du Capitole. S'il est vrai du reste qu'elle soit la mère de tous les dieux, on peut dire tout ensemble qu'elle a suivi à Rome certains de ses enfants et qu'elle en a précédé quelques autres. Je serais étonné pourtant qu'elle fût la mère de Cynocéphale, qui n'est venue d'Égypte que très tardivement. Note. Saint Augustin veut parler ici du culte d'Anubis qui ne fut reconnu à Rome que sous les empereurs. On dit que Commode, au fête d'Isis, porta lui-même la statue du dieu à la tête de chien. Sur Cynocéphale et la fièvre, voyez le livre 2, chapitre 14, fin de la note. A-t-elle aussi donné le jour à la fièvre? C'est à son petit-fils Esculape de le décider. Mais quelle que soit l'origine de la fièvre, je ne pense pas que des dieux étrangers osent regarder comme de basse condition une déesse citoyenne de Rome. Voilà donc Rome sous la protection d'une foule de dieux, car qui pourrait les compter, indigènes et étrangers, dieux du ciel, de la terre, de la mer, des fontaines et des fleuves. Ce n'est pas tout, et il faut avec Varron y ajouter les dieux certains et les dieux incertains, dieux de toutes les espèces, les uns mâles, les autres femelles, comme chez les animaux. Eh bien, avec tant de dieux, Rome devait-elle être en butte aux effroyables calamités qu'elle a éprouvées et dont je ne veux rapporter qu'un petit nombre? Élevant dans les airs l'orgueilleuse fumée de ses sacrifices, elle avait appelé, comme par un signal, cette multitude de dieux à son secours, leur prodiguant les temples, les autels, les victimes et les prêtres, au mépris du Dieu véritable et souverain qui seul a droit à ses hommages. Et pourtant elle était plus heureuse quand elle avait moins de dieux. Mais à mesure qu'elle s'est accrue, elle a pensé qu'elle avait besoin d'un plus grand nombre de dieux, comme un plus vaste navire demande plus de matelots, s'imaginant sans doute que ses premiers dieux, sous lesquels ses mœurs étaient pures en comparaison de ce qu'elles furent depuis, ne suffisaient plus désormais à soutenir le poids de sa grandeur. Déjà en effet, sous ses rois même, à l'exception de Numa dont j'ai parlé plus haut, il faut que l'esprit de discorde eût fait bien des ravages, puisqu'il poussa Romulus au meurtre de son frère. Chapitre 13. Par quels moyens les Romains se procurèrent pour la première fois des épouses? Comment se fait-il que ni Junon, qui dès lors, d'accord avec son Jupiter, couvrait de sa protection les Romains dominateurs du monde et le peuple vêtu de la toge, Énéide, vers 281, ni Vénus même, protectrice des enfants de son cher aîné, n'ait pu leur procurer de bons et honnêtes mariages? Car ils furent obligés d'enlever des filles pour les épouser, et de faire ensuite à leur beau-père une guerre où ces malheureuses femmes, à peine réconciliées avec leur mari, reçurent en dot le sang de leurs parents. Les Romains, dit-on, sortirent vainqueurs du combat, mais à combien de proches et d'alliés cette victoire coûta-t-elle la vie, et de part et d'autre quel nombre de blessés? La guerre de César et de Pompée n'était que la lutte d'un seul beau-père contre un seul gendre, et encore, quand elle éclata, la fille de César, l'épouse de Pompée n'était plus. Et cependant, c'est avec un trop juste sentiment de douleur que Lucain s'écrie, « Je chante cette guerre plus que civile, terminée au champ de l'Hématier où le crime fut justifié par la victoire. » Lucain, la Pharsale livre 1er. Les Romains vainquirent donc, et ils purent dès lors, les mains encore toutes sanglantes du meurtre de leur beau-père, obliger leur fille à souffrir de funestes embrassements, tandis que celle-ci, qui pendant le combat ne savait pour qui elle devait faire des vœux, n'osait pleurer leur père mort, de crainte d'offenser leur mari victorieux. Ce ne fut pas Vénus qui présida à ses noces, mais Bélone, ou plutôt Alecton, cette furie d'enfer qui fit ce jour la plus de mal aux Romains, en dépit de la protection que déjà leur accordait Junon, que lorsqu'elle fut déchaînée contre eux par cette déesse. Voyez Virgile, Énéide, livre 7. La captivité d'Andromaque fut plus heureuse que ses premiers mariages romains. On sait qu'Andromaque, veuve d'Hector, fut emmenée captive par le fils d'Achille, Pyrrhus, qui l'épousa. Car, depuis que Pyrrhus fut devenu son époux, il ne fit plus périr aucun Troyen, au lieu que les Romains tuaient sur le champ de bataille ceux dont ils embrassaient les filles dans leur lit. Andromaque, sous la puissance du vainqueur, avait sans doute à déplorer la mort de ses parents, mais elle n'avait plus à la craindre. Ces pauvres femmes, au contraire, craignaient la mort de leur père, quand leur mari allait au combat, elle a déploré en les voyant revenir, ou plutôt elle n'avait ni la liberté de leur crainte ni celle de leur douleur. Comment, en effet, voir sans douleur la mort de leurs concitoyens, de leurs parents, de leurs frères, de leurs pères? Et comment se réjouir sans cruauté de la victoire de leur mari? Ajoutez que la fortune des armes est journalière et que plusieurs perdirent en même temps leurs époux et leurs pères, car les Romains ne furent pas sans éprouver quelques revers. On les assiégea dans leur ville, et après quelques résistances, les assaillants ayant trouvé moyen d'y pénétrer, il s'engagea dans le forum même une horrible mêlée entre les beaux-pères et les gendres. Les ravisseurs avaient le dessous et se sauvaient à tout moment dans leur maison, souillant ainsi par leur lâcheté du nom nouvelle leur premier exploit déjà si honteux et si déplorable. Ce fut alors que Romulus, désespérant de la valeur des siens, pria Jupiter de les arrêter, ce qui fit donner depuis à ce dieu le surnom de Stator. Mais cela n'aurait encore servi de rien, si les femmes ne se fussent jetées aux genoux de leur père, les cheveux épars, et n'eussent apaisé leur juste colère par d'humbles supplications. Voyez Tite Live, livre 1, chapitre 10 à 13. Enfin, Romulus, qui n'avait pu souffrir à côté de lui son propre frère, et un frère jumeau, fut contraint de partager la royauté avec Tassius, roi des Sabins. À la vérité il s'en défit bientôt, et demeura seul maître, afin d'être un jour un plus grand dieu. Voilà d'étranges contrats de noces, féconds en luttes sanglantes, et de singuliers actes de fraternité, d'alliance, de parenté, de religion. Voilà les mœurs d'une cité placée sous le patronage de tant de dieux. On devine assez tout ce que je pourrais dire là-dessus, si mon sujet ne m'entraînait vers d'autres discours. Chapitre 14. De la guerre impie que Rome fit aux Albains et du succès que lui valut son ambition. Qu'arriva-t-il ensuite après Numa, sous les autres rois, et quel mot ne causa point, aux Albains comme aux Romains, la guerre provoquée par ceux-ci, qui s'ennuyaient sans doute de la longue paix de Numa? Que de sang répandu par les deux armées rivales, au grand dommage des deux États. Albe, qui avait été fondée par Ascagne, fils d'aîné, et qui était de plus près que Troie la mère de Rome, fut attaquée par Tullus Hostilius. Mais si elle reçut du mal des Romains, elle ne leur en fit pas moins, au point qu'après plusieurs combats les deux parties, lassées de leur perte, furent d'avis de terminer leurs différends par le combat singulier de trois jumeaux de chaque partie. Les trois Horaces ayant été choisis du côté des Romains et les trois Curias du côté des Albains, deux Horaces furent tués d'abord par les trois Curias. Mais ceux-ci furent tués à leur tour par le seul Horace survivant. Ainsi Rome demeura victorieuse, mais à quel prix, sur six combattants, un seul revint du combat. Après tout, pour qui fut le deuil et le dommage, si ce n'est pour les descendants d'aînés, pour la postérité d'Ascagne, pour la race de Vénus, pour les petits-fils de Jupiter? Cette guerre ne fut-elle pas plus que civile? puisque la cité fille combattit contre la cité mère. Ajoutez à cela un autre crime horrible et atroce qui suivit ce combat des jumeaux. Comme les deux peuples étaient auparavant amis, à cause du voisinage et de la parenté, la sœur des Horaces avait été fiancée à l'un des Curias. Or, cette fille ayant aperçu son frère qui revenait chargé des dépouilles de son mari, ne put retenir ses larmes, et, pour avoir pleuré, son frère la tua. Je trouve qu'en cette rencontre cette fille se montra plus humaine que tout le peuple romain. Et je ne vois pas qu'on la puisse blâmer d'avoir pleuré celui à qui elle avait déjà donné sa foi, que dis-je, d'avoir pleuré peut-être sur un frère couvert du sang de l'homme à qui il avait promis sa sœur. Je trouve qu'en cette rencontre cette fille se montra plus humaine que tout le peuple romain. On applaudit aux larmes que verse née, dans Virgile, sur son ennemi qui l'a tué de sa propre main. Énéide 10-821, et c'est encore ainsi que Marcellus, sur le point de détruire Syracuse, au souvenir de la splendeur où cette ville était parvenue avant de tomber sous ses coups, laissa couler des larmes de compassion. À mon tour, je demande au nom de l'humanité qu'on ne fasse point un crime à une femme d'avoir pleuré son mari, tué par son frère, alors que d'autres ont mérité des éloges pour avoir pleuré leurs ennemis par eux-mêmes vaincus. Dans le temps que cette fille pleurait la mort de son fiancé, que son frère avait tué, Rome se réjouissait d'avoir combattu avec tant de rage contre la cité sa mère, au prix de torrents de sang répandus de part et d'autre par des mains parricides. À quoi bon m'alléguer ces beaux noms de gloire et de triomphe? Il faut écarter ces vains préjugés, il faut regarder, peser, juger ses actions en elles-mêmes. Qu'on nous cite le crime d'Alpe comme on nous parle de l'adultère de Troie, on ne trouvera rien de pareil, rien d'approchant. Si Alpe est attaquée, c'est uniquement parce que Tullus veut réveiller les courages endormis des bataillons romains, qui se désaccoutumaient de la victoire. Énéide 6-814. Il n'y eut donc qu'un motif à cette guerre criminelle et parricide, ce fut l'ambition, vice énorme que Salluste ne manque pas de flétrir en passant, quand après avoir célébré les temps primitifs, où les hommes vivaient sans convoitiser où chacun était content du sien, il ajoute « Mais depuis que Cyrus en Asie, les Lacédémoniens et les Athéniens en Grèce, commencèrent à s'emparer des villes et des nations, à prendre pour un motif de guerre l'ambition de s'agrandir, à mettre la gloire de l'État dans son étendue, et tout ce qui suit sans que j'aie besoin de prolonger la citation. » Salluste, Conjuration de Catilina, chapitre 2. Il faut avouer que cette passion de dominer cause d'étranges désordres parmi les hommes. Rome était vaincue par elle quand elle se vantait d'avoir vaincu Albe et donnait le nom de gloire à l'heureux succès de son crime. Car, comme dit l'Écriture, on loue le pécheur de ses mauvaises convoitises, et celui qui consomme l'iniquité est béni. Psaume 10:3. Écartons donc ces déguisements artificieux et ces fausses couleurs, afin de pouvoir juger nettement les choses. Que personne ne me dise, celui-là est un vaillant homme, car il s'est battu contre un tel et l'a vaincu. Les gladiateurs combattent aussi et triomphent, et leur cruauté trouve des applaudissements, mais j'estime qu'il vaut mieux être taxé de lâcheté que de mériter de pareilles récompenses. Cependant, si dans ces combats de gladiateurs l'on voyait descendre dans l'arène le père contre le fils, qui pourrait souffrir un tel spectacle, qui n'en aurait horreur. Comment donc ce combat de la mère et de la fille, d'Albe de Rome, a-t-il pu être glorieux à l'une et à l'autre? Dira-t-on que la comparaison n'est pas juste, parce qu'Albe et Rome ne combattaient pas dans une arène? Il est vrai, Mais au lieu de l'arène, c'était un vaste champ où l'on ne voyait pas de gladiateurs, mais des armées entières jonchaient la terre de leurs corps. Ce combat n'était pas renfermé dans un amphithéâtre, mais il avait pour spectateur l'univers entier et tous ceux qui dans la suite des temps devaient entendre parler de ce spectacle impie. Cependant ces dieux tutélaires de l'Empire romain, spectateurs de théâtre à ces sanglants combats, n'étaient pas complètement satisfaits, et ils ne furent contents que lorsque la sœur des Horaces, tuée par son frère, fut allée rejoindre les trois Curias, afin sans doute que Rome victorieuse n'eût pas moins de morts qu'Albe vaincu. Quelque temps après, pour fruit de cette victoire, Albe fut ruinée, Albe, où ces dieux avaient trouvé leur troisième asile depuis qu'ils étaient sortis de Troie ruinés par les Grecs, et de Lavinium, où le roi Latinus avait reçu aînés étrangers et fugitifs. Mais peut-être étaient-ils sortis d'Albe, suivant leur coutume, et voilà sans doute pourquoi Albe succomba. Vous verrez qu'il faudra dire encore, tous les dieux protecteurs de cet empire se sont retirés, abandonnant leurs temples et leurs autels. Énéide, 2, 351. Vous verrez qu'ils ont quitté leur séjour pour la troisième fois, afin qu'une quatrième Rome fût très sagement confiée à leur protection. Albe leur avait déplu, à ce qu'il paraît, parce qu'Amulius, pour s'emparer du trône, avait chassé son frère, et Rome ne leur déplaisait pas, quoique Romulus eût tué le sien. Mais, dit-on, avant de ruiner Albe, on en avait transporté les habitants à Rome pour ne faire qu'une ville des deux. Je le veux bien, mais cela n'empêche pas que la ville d'Ascagne, troisième retraite des dieux de Troie, n'ait été ruinée par sa fille. Et puis, pour unir en un seul corps les débris de ces deux peuples, combien de sang en coûta-t-il à l'un et à l'autre? Est-il besoin que je rapporte en détail comment ces guerres, qui semblaient terminées par tant de victoires, ont été renouvelées sous les autres rois, et comment, après tant de traités conclus entre les gendres et les beaux-pères, leurs descendants ne laissèrent pas de reprendre les armes et de se battre avec plus de rage que jamais? Ce n'est pas une médiocre preuve de ces calamités qu'aucun des rois de Rome n'ait fermé les portes du temple de Janus, et cela fait assez voir qu'avec tant de dieux tutélaires aucun d'eux n'a pu régner en paix. Chapitre 15. Quelle a été la vie et la mort des rois de Rome? Et quelle fut la fin de ces rois eux-mêmes? Une fable adulatrice place Romulus dans le ciel. Mais plusieurs historiens rapportent au contraire qu'il fut mis en pièces par le Sénat à cause de sa cruauté, et que l'on suborna un certain Julius Proculus pour faire croire que Romulus lui était apparu, et l'avait chargé d'ordonner de sa part au peuple romain de l'honorer comme un dieu, expédient qui apaisa le peuple sur le point de se soulever contre le Sénat. Une éclipse de soleil survint alors fort à propos pour confirmer cette opinion, car le peuple, peu instruit des secrets de la nature, ne manqua pas de l'attribuer à la vertu de Romulus, comme si la défaillance de cet astre, à l'interpréter en signe de deuil, ne devait pas plutôt faire croire que Romulus avait été assassiné et que le soleil se cachait pour ne pas voir un si grand crime. Ainsi qu'il arriva en effet lorsque la cruauté et l'impiété des Juifs attachèrent en croix notre Seigneur. Pour montrer que l'obscurcissement du soleil, lors de ce dernier événement, n'arriva pas suivant le cours ordinaire des astres, il suffit de considérer que les Juifs célébraient alors la Pâque, ce qui n'a lieu que dans la pleine lune. Or, les éclipses de soleil n'arrivent jamais naturellement qu'à la fin de la lunaison. Cicéron témoigne aussi que l'entrée de Romulus parmi les dieux est plutôt imaginaire que réelle, lorsque le faisant louer par Scipion dans ses livres de la République, il dit « Romulus laissa de lui une telle idée, Qu'étant disparu tout d'un coup pendant une éclipse de soleil, on crut qu'il avait été enlevé parmi les dieux, opinion qu'on n'a jamais eue d'un mortel sans qu'il n'ait déployé une vertu extraordinaire. Cicéron, de la République, livre 2, chapitre 10. Et quant à ce que dit Cicéron que Romulus disparut tout d'un coup, ces paroles marquent ou la violence de la tempête qui le fit périr, ou le secret de l'assassinat, attendu que, suivant d'autres historiens, l'éclipse fut accompagnée de tonnerres qui, sans doute, favorisèrent le crime ou même consumèrent Romulus. En effet, Cicéron, dans l'ouvrage cité plus haut, dit, à propos de Tullus Hostilius, troisième roi de Rome, tué aussi d'un coup de foudre, qu'on ne crut pas pour cela qu'il eût été reçu parmi les dieux, comme on le croyait de Romulus, afin peut-être de ne pas avilir cet honneur en le rendant trop commun. Il dit encore ouvertement dans ses harangues, le fondateur de cette cité, Romulus, nous l'avons, par notre bienveillance et l'autorité de la renommée, élevé au rang des dieux immortels. Cicéron, troisième discours contre Catilina, chapitre 3. Par où il veut faire entendre que la divinité de Romulus n'est point une chose réelle, mais une tradition répandue à la faveur de l'admiration et de la reconnaissance qu'inspiraient ses grands services. Enfin, dans son Hortensius, il dit, au sujet des éclipses régulières du soleil, pour produire les mêmes ténèbres qui couvrirent la mort de Romulus, arrivé pendant une éclipse. Certes, dans ce passage, il n'hésite point à parler de Romulus comme d'un homme réellement mort, et pourquoi cela? Parce qu'il n'en parle plus en panégyriste, mais en philosophe. Quant aux autres rois de Rome, si l'on excepte Numa et Ancus, qui moururent de maladie, combien la fin des autres a-t-elle été funeste? Tullus Hostilius, ce destructeur de la ville d'Albe, fut consumé, comme j'ai dit, par le feu du ciel, avec toute sa maison. Tarquin l'Ancien fut tué par les enfants de son prédécesseur, et Servius Tullius par son gendre Tarquin le Superbe, qui lui succéda. Cependant, après un tel assassinat, commis contre un si bon roi, les dieux ne quittèrent point leurs temples et leurs autels, eux qui, pour l'adultère de Paris, sortirent de Troie et abandonnèrent cette ville à la fureur des Grecs. Bien loin de là, Tarquin succéda à Tullius, qui l'avait tué, et les dieux, au lieu de se retirer, eurent bien le courage de voir ce meurtrier de son beau-père monter sur le trône, remporter plusieurs victoires éclatantes sur ses ennemis et de leurs dépouilles bâtir le Capitole. Ils souffrirent même que Jupiter, leur roi, régna du haut de ce superbe temple, ouvrage d'une main parricide, car Tarquin n'était pas innocent quand il construisit le Capitole, puisqu'il ne parvint à la couronne que par un horrible assassinat. Quand plus tard les Romains le chassèrent du trône et de leur ville, ce ne fut qu'à cause du crime de son fils, et ce crime fut commis non seulement à son insu, mais en son absence. Il assiégeait alors la ville d'Ardée, il combattait pour le peuple romain. On ne peut savoir ce qu'il eût fait si on se fût plaint à lui de l'attentat de son fils, mais, sans étendre son opinion et son jugement à cet égard, le peuple lui ôta la royauté, ordonna aux troupes d'Ardée de revenir à Rome, et enferma les portes au roi déchu. Celui-ci, après avoir soulevé contre eux leurs voisins et leur avoir fait beaucoup de mal, forcé de renoncer à son royaume par la trahison des amis en qui il s'était confié, se retira à Tusculum, petite ville voisine de Rome, où il vécut de la vie privée avec sa femme l'espace de 14 ans, et finit ses jours d'une manière plus heureuse que son beau-père, qui fut tué par le crime d'un gendre et d'une fille. Cependant les Romains ne l'appelèrent point le cruel ou le tyran, mais le superbe, et cela peut-être parce qu'ils étaient trop orgueilleux pour souffrir son orgueil. En effet, ils tinrent aussi peu compte du crime qu'il avait commis en tuant son beau-père, qu'il l'élevèrent à la royauté. En quoi je me trompe fort si la récompense ainsi accordée à un crime ne fut pas un crime plus énorme. Malgré tout, les dieux ne quittèrent point leurs temples et leurs autels. À moins qu'on ne veuille dire pour les défendre qu'ils ne demeurèrent à Rome que pour punir les Romains en les séduisant par de vains triomphes et les accablant par des guerres sanglantes. Voilà quelle fut la fortune des Romains sous leur roi, dans les plus beaux jours de l'Empire, et jusqu'à l'exil de Tarquin le Superbe, c'est-à-dire l'espace d'environ 243 ans, pendant lesquels toutes ces victoires, achetées au prix de tant de sang et de calamités, étendirent à peine cet empire jusqu'à 20 milles de Rome, territoire qui n'est pas comparable à celui de la moindre ville de Gétulie. Note. Selon Tite Live, Tarquin séjourna en effet quelques années à Tusculum, auprès de son gendre Octavius Mamilius, mais il mourut à Cum, chez le tyran Aristodème. Voyez livre 1, chapitre 16. Sur la disparition de Romulus, voyez Tite Live, livre 1, chapitre 26. Denis d'Halicarnasse, Antiquité romaine, livre 2, chapitre 56. Plutarque, Vie de Romulus, chapitre 28, 29. Markendanarchive.org, 2019, d'après abbaye-saint-benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.